Bonjour, ici Valérie Levé au microphone. Vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre rendez-vous scientifique hebdomadaire avec Futur Simple. Aujourd'hui, une émission axée sur la santé avec en deuxième partie les effets de la pollution de l'air sur la santé cardiovasculaire. On verra donc en deuxième partie de l'émission comment la pollution de l'air entraîne son lot de maladies cardiovasculaires et qu'elle peut être une tueuse non négligeable. Et en première partie, on va s'intéresser à la dépression et voir ce qu'il se passe dans notre cerveau et quels sont les processus physiologiques associés à la dépression. Et pour nous expliquer tout cela, je reçois Maxime Cusic, qui commence à être un habitué de Futur Simple. Maxime est étudiant à la maîtrise, au doctorat, au laboratoire du docteur Steve Lacroix, qui est le directeur de l'axe neurosciences au Centre de recherche du CHU de Québec. Bonjour Maxime. Bonjour Valérie. Alors aujourd'hui, tu veux parler de dépression, qui est quand même un enjeu sérieux dans nos sociétés. On entend souvent des gens qui sont atteints de dépression. Oui, c'est exact. Comme tu l'as si bien dit, là, Valérie, je veux vraiment m'attarder au processus physiologique de la dépression. Donc oui, la dépression, là, malgré les tabous qu'on entend des fois parler, c'est une véritable maladie. D'habitude, je vous parlais de sclérose en plaques, qu'est-ce qui arrive au niveau du cerveau, les cellules, les molécules et tout ça. Mais là, ça va être au niveau de la dépression. Je tiens également là, à préciser qu'aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder vraiment au concept de santé mentale et tout ça. Je vais rester dans ce que je connais là au final, soit ouais, les cellules, les neurones et tout. Mais vraiment, si jamais vous reconnaissez ou si vous reconnaissez des proches dans qu'est-ce que je vais dire, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide. C'est une maladie qui est très sérieuse. C'est un enjeu important dans notre société. Puis, je pense là, que c'est important de prendre de l'aide lorsqu'on en a besoin. Exactement, de savoir le reconnaître et de demander de l'aide. Alors la dépression, en fait, c'est quand même un mot assez vague. Hein. On entend des fois le mot déprime, dépression saisonnière, le blues de l'automne, le burn-out et puis les formes de dépression sévères. Donc pour bien mettre la table, aujourd'hui, Maxime, tu nous parles de quelle dépression? Alors effectivement, moi je vais parler là vraiment de ce qu'on appelle en anglais le Major Depressive Disorder, ou traduit en français, le syndrome majeur de dépression. Donc, c'est vraiment là-dessus que j'ai concentré mes recherches. D'accord. Donc, comment elle se caractérise, cette dépression majeure? Alors d'abord, il faut savoir que les femmes sont deux fois plus susceptibles que les hommes de développer cette forme-là de dépression. Puis, non seulement la développer, mais aussi il va y avoir une différence entre les deux sexes biologiques au niveau de comment est-ce que la dépression va évoluer au fil du temps, puis aussi comment est-ce que les personnes vont répondre aux différents traitements contre cette maladie-là. Aussi, c'est important de savoir que, oui, il y a des facteurs socio-économiques, il y a notre environnement, le stress, tout ça qui peut jouer un rôle, mais il y a aussi un background là, génétique assez important associé à la dépression. On a découvert certains groupes de gènes qui pourraient causer une susceptibilité à cette maladie-là. Donc, ça veut dire que si on a ces gènes-là, c'est pas on va avoir la dépression, mais on a plus de chances de l'avoir là, si on a certains gènes. Le tout associé avec certaines conditions de l'environnement également. C'est une conjonction finalement de la génétique et du milieu dans lequel on vit ou des conditions dans lesquelles on vit. C'est tout à fait. C'est un amalgame de facteurs environnementaux, génétiques. Puis il faut aussi savoir que les premiers épisodes dépressifs là, arrivent autour de la mi-vingtaine ou durant l'adolescence. Puis ça peut continuer par la suite. Et puis, il peut y avoir des récidives, même quand on arrive à la traiter, que les personnes se sentent bien, il y a quand même une certaine probabilité de récidive. Exactement. D'habitude, un épisode dépressif, là, lorsqu'on parle bien sûr de Major Depressive Disorder, c'est d'habitude de 3-6 mois. Après un an, on peut être complètement rétabli avec les traitements, mais à chaque épisode dépressif, on augmente nos chances là, d'en vivre un second, fait que ça peut malheureusement amener à de la dépression chronique. Ouais, c'est ça. Donc là, ça devient vraiment envahissant dans la vie. Quels sont les symptômes à associer et comment on fait le diagnostic, en fait, de cette dépression majeure? Donc, il faut savoir là, ici qu'il y a trois grandes là, catégories de symptômes, à savoir des symptômes qu'on va dire émotionnels, notamment de la tristesse, du regret, sentiment de culpabilité, malheureusement aussi l'idée suicidaire. On va aussi avoir des symptômes là, plus cognitifs, donc au niveau de notre capacité à se concentrer ou à prendre des décisions, bref, une partie qu'on contrôle un peu plus. Puis aussi des symptômes qu'on va appeler végétatifs. Donc ça, là, ça fait un lien en fait avec le système autonome végétatif ou le système nerveux autonome en fait, là, qui est tout ce qui contrôle nos organes, notre estomac, intestin, sans qu'on ait à y penser. Exactement. Donc ça serait là, plutôt des symptômes de perte d'appétit, du manque de sommeil, de la fatigue, etc. Puis pour que ça soit là, considéré comme de la dépression, selon le grand manuel là, de diagnostic de la santé mentale, là, le DSM-5, ben, il faudrait au moins avoir 5 de ces symptômes-là sur une période de 2 semaines et plus. Mm. S'il y a moins de 5 là, symptômes, ben, ça pourrait être prédit comme un signe avant-coureur de la dépression. Puis malheureusement, là, selon les symptômes qu'on a, ben, il n'y a pas encore de hiérarchie dans le diagnostic, là, c'est-à-dire qu'on peut pas comme dire, ah, ben, telle personne a ces 5 symptômes-là, donc c'est plus sévère qu'une autre personne qui aurait 5 autres symptômes. Là, malheureusement, ça reste encore à déterminer. Mm-hmm. D'accord. Et est-ce qu'il y a quand même moyen de... Bon, en fait, quels sont les thérapeutiques? On arrive quand même à traiter, à soulager les gens qui sont atteints de cette forme de dépression? Donc, il y a 3 principaux là, types de traitements. Donc, il y a les antidépresseurs, qu'on va parler un peu plus tard. Il y a aussi la psychothérapie qui, là, serait plus là, au niveau de la psychologie, mm-hmm. que je connais un peu moins, mais on voit là que ça a des effets là, bénéfiques. Surtout, ça peut aider, par exemple, la réponse aux antidépresseurs. Puis il y a aussi la stimulation magnétique transcrânienne, qui est un mot assez complexe, là, mais de façon très simple, c'est une espèce de machine spéciale qui permet d'aller stimuler des neurones spécifiquement dans le cerveau. Donc, ça peut aider là, justement si on a certaines zones qui sont moins actives puis mm-hmm. on voudrait les activer. Mm-hmm. D'accord. Donc, on voit que la dépression semble se jouer dans le cerveau. Alors, avant d'aller plus dans les processus physiologiques de la dépression, il faut que tu nous fasses une petite présentation du cerveau. Comment ça fonctionne? Parfait. Donc, le cerveau, c'est l'organe là, vraiment qui est le moins bien connu de tout notre corps humain. Les chercheurs tentent de comprendre son fonctionnement depuis plusieurs décennies. Il en reste encore là, sûrement plusieurs autres avant de bien comprendre. Alors, je pense pas... Un bref aperçu, on exactement. Va dire. Alors, en gros, le cerveau il est composé notamment de neurones et de d'autres types de cellules qui vont justement là, aider les neurones à faire leur travail. Puis le travail de ces neurones-là, ben, c'est de recevoir de l'information et de la transmettre. Puis ces neurones-là vont travailler là, afin que le cerveau puisse justement recevoir des signaux de notre environnement, les interpréter, puis envoyer une réponse là, justement aux divers organes mm-hmm. pour assurer au final là, notre survie et tout ça. Donc, il faut savoir que le cerveau y est séparé en zones. Bien entendu, si on regarde une tranche de cerveau, à part être un neurochirurgien spécialisé, il n'y a aucune façon de voir ces zones-là. Mais au niveau microscopique, notamment, on est capable de voir que certains groupes de neurones qui sont ensemble. Puis, ces différents groupes de neurones-là vont avoir des fonctions spécialisées. Mm-hmm. Par exemple, on peut penser là, que sur la surface de notre cerveau, c'est le cortex, donc qui nous permet justement de prendre des décisions et tout ça. Puis, selon là, la zone sur le dessus de notre cerveau, bien, ça va être associé, par exemple, à la vision, à l'audition, à l'odorat, etc. Et puis, c'est comme ça, partout dans le cerveau, vont sortir des zones un peu plus profondes qui sont associées aux émotions. Mm-hmm. Donc, en bref, notre cerveau est composé de neurones, les neurones communiquent entre eux, et puis ensemble, ils forment différentes zones qui nous permettent de fonctionner au final. D'accord. Et comment les neurones communiquent entre eux? Alors, il faut savoir que lorsqu'un neurone là, veut transmettre de l'information, bien, il va avoir 2 types de signaux. Donc, un neurone, si vous rappelez bien nos précédentes discussions, ça va être une cellule qui est assez longue, mm-hmm. donc elle va être composée là, d'un corps cellulaire qui est rond. Ce corps cellulaire-là, lui, va avoir des prolongements comme des petites épines qui vont lui servir en fait d'antenne pour recevoir là, les signaux des autres neurones autour de lui. Puis ce neurone-là, après le corps cellulaire, bien, il va avoir là, comme un long bras, ce qu'on appelle l'axone. Puis ça va lui permettre de transmettre de l'information jusqu'à la fin de cet axone-là. Mm-hmm. Donc l'information elle est transmise au long de l'axone par un signal. C'est des signaux là, électriques, c'est-à-dire qu'il va y avoir des échanges de différentes molécules chargées positivement ou négativement. Puis ça va là, permettent au signal de ça progresser. Ça propage le signal électrique. Exactement. Au bout de l'axone. Ça fait exactement comme une vague qui va pousser justement ce signal-là jusqu'au bout de l'axone. Puis au bout de l'axone, il va y avoir ce qu'on appelle des terminaisons nerveuses. Puis à cet endroit-là, le signal va permettre là, aux neurones de relâcher ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Mm-hmm. Donc ça, c'est des petites molécules qui vont aller activer le neurone suivant. Moi, je vois un peu comme une course à relais. Quand on a le bâton, on court, puis après ça, on donne le bâton au prochain pour que lui continue sa course. Oui. Ben, l'équivalent de donner le bâton pour les neurones, c'est vraiment de relâcher des neurotransmetteurs. Puis selon la nature du neurotransmetteur, il va avoir là, une réponse différente. Mm-hmm, d'accord, une belle image ça, du bâton, du relais là, qu'on se donne au cours d'une course. Alors, mais comment on étudie tous ces phénomènes-là et comment en fait, plus particulièrement, on étudie les mécanismes neuronaux qui sont liés à la dépression? Alors, il faut savoir que c'est très difficile. Je voulais surtout là, vous en parler pour vous montrer à quel point ça peut être complexe de faire le pont entre la science fondamentale, je vous parle des cellules, des mécanismes moléculaires, ouais. puis de transmettre ça à l'humain. Donc, bien sûr, là, nous, on étudie ça avec la souris. Puis, le principe, c'est justement de donner un stress chronique à la souris. Donc, il y en a des fois, on va mettre là, des souris avec des mâles alpha dans la même cage. Comme ça, elles se font, je vais dire, intimider, faute de meilleurs termes. Bien entendu, là, tout ça est fait dans des cadres éthiques. Ou encore, j'ai des collègues qui ont une expérience assez inusitée. Ils ont appris à des chats à jouer avec les souris sans nécessairement là, les tuer ou leur faire mal. Mais bien entendu, c'est une situation assez stressante pour la souris. Mmh. Donc, après ça, ils peuvent, avec différents tests, par exemple, les mettre dans des cages, mettons une partie éclairée, une partie ombragée, puis la souris, si elle est stressée, bien, elle va rester dans la zone éclairée versus une souris non stressée qui, elle, ça lui dérangerait pas de se promener. Encore, ils peuvent mettre la souris dans des conditions difficiles puis voir à quel point est-ce qu'elle veut s'en sortir. Donc, si la souris, elle est dépressive, bien, par exemple, elle va moins prendre le temps de nager d'un bassin pour trouver la plateforme versus une souris, je vais dire, en conditions normales. Donc, C'est ça qu'on fait pour avoir des conditions de dépression et chez la souris qu'on va essayer là après ça d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, quelles sont les molécules qui sont relâchées, puis ensuite de tirer des conclusions sur l'humain. Donc tout ça pour montrer qu'on a des façons originales d'étudier la dépression, mais encore là, ça reste une certaine problématique là, dans le domaine de translationner, si vous me permettez l'expression, les données des souris à l'humain. Ah, effectivement, c'est pas évident de savoir si une souris a des idées suicidaires. Quand même. Exactement. C'est pas si évident que ça. Alors maintenant qu'on a une petite idée quand même du fonctionnement du cerveau, qu'est-ce qu'on sait des effets de la dépression sur le cerveau? Alors, faut savoir, là, comme je disais tout à l'heure, la dépression, c'est une véritable maladie, c'est pas juste dans notre tête. Donc oui, on voit nécessairement des changements au niveau du cerveau, et même là au niveau là, des cellules, on va le voir un peu après. Donc il faut savoir par exemple que chez des personnes atteintes de la dépression, le volume du cerveau peut être inférieur à la normale. Ah. Puis on peut voir aussi là, qu'il y aurait des défauts au niveau de la myéline. La myéline, ça c'est une espèce de couche protectrice qui va entourer là, nos fameux axones qui permettent de transmettre le signal. Donc, si vous avez écouté les précédentes là, chroniques sur la sclérose en plaques, on a vu que quand la myéline se détruit, ben les neurones transmettent moins bien l'information, ils peuvent se briser. Donc, c'est un peu ce qui va arriver ici. Alors, nos neurones vont moins bien transmettre leur information. Puis aussi, tantôt, je vous parlais qu'il y avait des gènes associés à la dépression. Ben, les personnes qui ont des gènes qui entraînent là, des défauts dans la myéline, ben, ces gens-là seraient plus susceptibles à développer la dépression, par exemple. Mmh. Et est-ce que les neurones aussi sont affectés par la dépression? Les neurones, oui, vont être affectés, mais pas de la même façon. Par exemple, si on regarde un neurone d'une personne là, saine au microscope versus une personne qui a des symptômes dépressifs, ben, on ne verra pas de différence. Par exemple, la différence va être au niveau des neurotransmetteurs, donc ce fameux le bâton qu'on remet au prochain. Donc, soit que le neurone va être moins bon pour donner son bâton au prochain coureur, ou soit le prochain coureur va être moins bon pour recevoir là, son bâton. Donc ça veut dire que s'il y a un mauvais échange de neurotransmetteurs, ben ça va rendre là, l'échange de signaux plus difficile. Donc au final, le cerveau va avoir plus de difficultés à fonctionner là, dans certaines zones spécifiques associées aux émotions, la cognition ou ce dont on parlait tantôt. Maxime, j'ai l'impression que avant d'être déprimé, de subir une dépression, on est stressé. Est-ce qu'il y a un lien entre le stress et la dépression? Tout à fait. Bien entendu, là, le stress est un des principaux comment je pourrais dire, le facteur qui prédispose à la dépression, surtout en fait le stress chronique. Là, on parle pas, par exemple, ah, j'ai une présentation ou moi, 5 minutes avant de présenter à la radio, ah, je suis stressé, j'ai un petit speech. On parle vraiment là d'un stress ou d'une anxiété qui va se prolonger. Puis, pour comprendre ça, là, je peux vous expliquer rapidement comment le stress, ça fonctionne. Donc, si on prend, par exemple, je sais pas, on se promène en forêt, puis on monte une petite colline, puis on voit un ours devant nous. Ouh. Ben là, exactement, tu sais, condition assez stressante. Donc là, il faut que notre vision de l'ours, ça passe par nos yeux, ça sera au cerveau. Le cerveau reconnaît dans le cortex là, qui est dédié à la vision, « Oh, ça, c'est un ours, on est stressé, il faut faire quelque chose. » Donc à ce moment-là, le cerveau va envoyer un signal à ce qu'on appelle l'hypothalamus. Puis ça va contrôler, ça permet avec l'hypothalamus et son fameux porte-voix, l'hypophyse, de contrôler tout ce qui se passe dans notre corps. Ça, c'est deux structures qui sont dans le cerveau, l'hypothalamus et l'hypophyse. C'est deux très petits groupes là, de neurones qui sont dans le cerveau. Donc, je vous donne un exemple. On parle souvent de neurones qui transmettent l'information, mais le neurone, lui, il a juste un axone. Donc, au final, il peut juste communiquer avec quelques cellules ou, par exemple, un muscle en particulier. Mais si on voit un ours, on a besoin de tous nos muscles. Il faut s'enfuir. C'est pas juste avec notre cuisse qu'on s'enfuit, c'est avec tout notre corps. On a besoin de respiration, battement. Donc, pour communiquer partout, l'hypothalamus, qui sont là, quelques neurones dans notre cerveau, vont communiquer avec l'hypothalamus. Puis elle va relâcher des hormones. Avec l'hypophyse? L'hypophyse, pardon, c'est donc deux. L'hypothalamus communique avec l'hypophyse. L'hypophyse qui elle-même va relâcher des hormones qui, elles, vont aller partout dans notre corps là, via les vaisseaux sanguins. Puis à ce moment-là, communiquer à nos muscles de s'activer, à notre respiration, notre battement cardiaque de s'accélérer pour qu'on sauve de l'ours. Mais, tu sais, on s'entend, on a de l'énergie pour s'enfuir de l'ours. Une fois que c'est enfui, c'est correct, le stress s'en va. Mais si ce stress-là continue, ben au final, l'hypothalamus puis l'hypophyse, au final, vont être désensibilisés à ce retour à la normale, en guillemets. Donc, bien entendu, ces conditions-là de stress vont continuer puis ultimement avoir des dommages sur le cerveau. OK, donc parce que cet état de stress, c'est comme s'il perdurait, même si l'ours est parti, mais l'hypothalamus reste toujours comme dans un état excité de stress. Exactement, hein? Comme si les hormones de « OK, là, on est assez stressé, c'est fini », mais ce signal-là permet plus d'activer l'hypothalamus, ou en d'autres mots, les neurones de l'hypothalamus sont plus capables de recevoir le bâton, donc ils ne reçoivent pas le signal que c'est fini. D'accord. Et quel est le rôle de l'inflammation dans la dépression, là, dans tout ça? Alors, en gros, l'inflammation, donc il faut savoir, là, ça nous permet de nous défendre contre les organismes, contre les bactéries, tout ça, quand on se coupe. Mais, par exemple, si on se coupe avec une feuille de papier, tu sais, ça devient rouge, on a mal, mais c'est juste au niveau de notre doigt. Par exemple, dans certaines conditions, donc des maladies ou le cancer ou encore des maladies auto-immunes contre la sclérose en plaques, bien, l'inflammation va durer longtemps, puis elle va se rendre un peu partout. Donc ça va avoir là, pour conséquence de relâcher des molécules qu'on appelle des cytokines. En fait, ça permet aux cellules de communiquer avec d'autres cellules. Puis, ces cytokines-là, elles sont très puissantes. Elles peuvent avoir des rôles sur les neurones. Elles peuvent les empêcher de bien fonctionner. Puis, au final, là, ça va altérer la façon que les différentes zones du cerveau se communiquent entre elles. Puis, ça pourrait ultimement mener à des symptômes dépressifs. D'accord. Mais il me semblait que il y avait aussi une molécule sur laquelle tu travailles, donc l'IL-1-bêta, qui est impliquée aussi dans cette inflammation et donc dans la dépression. Oui, tout à fait. Là, c'est une molécule qu'on a retrouvée en plus grande quantité chez des personnes qui ont des symptômes dépressifs, en comparaison des personnes qui n'ont pas là, ces symptômes dépressifs. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce que l'IL-1-bêta va faire sur le neurone, mais on sait là, qu'elle est là en plus grande quantité, puis qu'elle aurait un effet néfaste associé, par exemple, à d'autres types de molécules. Puis aussi, on voit, par exemple, chez des personnes qui ont des symptômes dépressifs, qu'il y a une plus grande quantité de cellules immunitaires dans leur vaisseau sanguin. Puis aussi, on en a discuté dans de précédentes là, chroniques, mais les cellules immunitaires, là, lorsqu'elles sont dans le sang, puis qu'elles veulent aller dans le cerveau, mais une espèce de barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Puis ça va très bien contrôler qu'est-ce qui entre puis qui sort de nos vaisseaux sanguins au niveau du cerveau. Mais chez les personnes atteintes là, de symptômes dépressifs, cette barrière-là, elle est plus permissive. Donc, il y a plus de chances que les cellules immunitaires aillent de l'autre côté pour jouer là, un effet néfaste sur les neurones. Oui. Ça veut dire que c'est comme s'il pouvait aussi y avoir une inflammation presque des neurones. Est-ce qu'on peut dire ça? Ben, c'est difficile à dire. C'est sûr qu'on parle pas d'une inflammation majeure, mais ça serait une inflammation de bas grade qu'on appelle, mais qui perdure longtemps. Donc, elle finirait par avoir des petits effets. Par exemple, au niveau de la barrière hématoencéphalique, les cellules immunitaires rentrent. Elles vont relâcher un petit peu de cytokines pro-inflammatoires, mais à la longue, là, ces molécules-là peuvent jouer sur les neurones, puis les neurones finissent par avoir là, des processus physiologiques différents. Alors, tu disais plutôt que la dépression se traite, entre autres, avec des antidépresseurs. Donc, comment ça fonctionne, les antidépresseurs? Alors, de façon simple, on se rappelle que les neurones, pour communiquer entre eux, en deux neurones, ils ont besoin de neurotransmetteurs. Donc, un neurone relâche son neurotransmetteur dans ce qu'on appelle là, l'espace synaptique. Donc, c'est un minuscule trou entre deux neurones. Puis, les neurotransmetteurs vont être là. Alors, le rôle du prochain neurone, c'est de capter ces neurotransmetteurs-là pour continuer le signal. Par contre, en temps de dépression, ben, le neurone il est moins bon pour capter les neurotransmetteurs, donc il reste plus longtemps dans cet espace synaptique-là. Le problème, c'est que le neurone qui donne le bâton, ben, t'sais, s'il voit que personne ne le prend, ben, il va le garder. Donc, les neurotransmetteurs dans cet espace-là vont être réabsorbés par le neurone précédent. Et à ce moment-là, ben, là, le signal il va moins bien se transmettre. Donc, le but des antidépressants, c'est d'empêcher le premier neurone là, de réabsorber ces neurotransmetteurs-là. Donc, ça laisse plus de chances à notre neurone d'après de reprendre le bâton, puis de transmettre le signal. Très bien, d'accord. Et si on en revient avec le mécanisme d'inflammation, donc le rapport entre l'inflammation et la dépression, à ce moment-là, est-ce qu'il y a un futur possible pour des médicaments anti-inflammatoires qui traiteraient la dépression? Est-ce que c'est une avenue envisagée? Alors, c'est certainement une avenue qui est envisagée. Par contre, là, on s'entend que ça va être au long terme. Donc, par exemple, on voit, tantôt, là, je vous disais que chez les personnes qui ont des symptômes dépressifs, les niveaux de molécules inflammatoires augmentent. Bien quand on leur donne des antidépresseurs ou quand ils font même de la psychothérapie, puis que ça fonctionne, il va y avoir une diminution de ces marqueurs-là inflammatoires. Donc, on voit nécessairement, là, qu'il y a un lien entre les deux. Par contre, c'est très difficile de dire, ah, ben, telle molécule, elle est associée à la dépression. Aussi, il faut savoir que la dépression, elle est associée souvent à d'autres maladies. Je vous parlais tantôt de la sclérose en plaques, qui, elle aussi, fait augmenter là, ces fameuses molécules inflammatoires dans le sang. Donc, est-ce que l'augmentation est liée à la dépression? Est-ce que c'est à cause de la sclérose en plaques? Lequel des deux? Il y a aussi là, plein d'autres facteurs qui les font augmenter. Donc, oui, c'est très étudié présentement, justement, le rôle des molécules inflammatoires sur les neurones. Peut-être qu'il y aura des façons là, de bloquer ces effets-là. Mais bien entendu, il manque encore beaucoup d'études pour vraiment cibler un mécanisme puis trouver là, un médicament prometteur. C'est pas pour demain, là, pas pour tout de suite en tout cas. Exactement. Un grand demain. Mais c'est quand même une piste de solution. Une autre piste de solution, ce serait aussi de réduire notre exposition au stress, finalement. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Exactement. Alors, merci beaucoup, Maxime, de nous avoir fait visiter la dépression vue de l'intérieur du cerveau. Merci beaucoup, Maxime. Ça m'a fait grand plaisir. À la prochaine. Je rappelle que Maxime est étudiant à la maîtrise, bientôt au doctorat. Exactement. Au laboratoire de Steve Lacroix, qui lui est directeur de l'axe neurosciences au Centre de recherche du CHU de Québec.